Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Les sapins brillent, la ville s'habille de guirlandes et la neige s'invite. C'est par la cheminée que passe le Père Noël, donc il ne passera pas dans les HLM. Bataille de neige, bonhomme de neige. Ah, il neige. Marron glacé, calendrier de l'avant, avec la nostalgie de tous les cadeaux d'avant. Je me sers un verre avec un cerf et son écharpe verte, et le créneau du chef Noël. Soirée magique, maison allumée, la nuit. La nuit. Pense à tout le plaisir que j'ai manqué. Pense à toutes les filles que je n'ai pas embrassées. Père Noël bébé glisse juste une zipeline sous l'arbre pour moi. Chimney tonight.